Chapitre 11 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1. Chapitre 11 Des pronostications. Quant aux oracles, il est certain que bonne pièce, avant la venue de Jésus-Christ, ils avaient commencé à perdre leur crédit. Car nous voyons que Cicéron se met en peine de trouver la cause de leur défaillance. Et ces mots sont à lui. « Coristo modo, iam oracula Delphis, non eduntur, non modo nostra aetate, sed iam Dio, uit nihil posit esse contemptius. » Mais quant aux autres pronostics, qui se tirait de l'anatomie des bêtes au sacrifice auquel Platon attribue en partie la constitution naturelle des membres internes d'Icelle, du trépignement des poulets, du vol des oiseaux, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus, des foudres, du tournoiement des rivières, multa cernunt arus pisces, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticationibus, multa somniis, multa portentis, et autres, sur lesquels l'ancienneté appuyait la plupart des entreprises, tant publiques que privées, notre religion les a abolis. Et encore qu'il reste entre nous quelques moyens de divination est-ce astre, est-ce esprit, est-ce figure du corps, est-ce songe, et ailleurs, notable exemple de la forcenée curiosité de notre nature, s'amusant à préoccuper les choses futures, comme si elles n'avaient pas assez à faire à digérer les présentes. Cur anc tibi, recto Olympi, sollicitis visum mortalibus adere curam, noscant venturas ut dira per omnia clades, sit subitum, quodcunque sparas, sit ceca futuri, men omnium fati, liceat sperare timenti. Ne utile quidam, est scire, quid futurum sit, miserum est enim nihil proficientem angi, si est-ce qu'elle est de beaucoup moindre autorité. Voilà pourquoi l'exemple de François Marquis, de Saluces, m'a semblé remarquable. Car lieutenant du roi François, en son armée de l'Alémon, infiniment favorisé de notre cour, et obligé au roi du Marquisat même, qui avait été confisqué de son frère, au reste, ne se présentant occasion de le faire, son affection même y contredisant, se laissa si fort épouvanter, comme il a été avéré, aux belles pronostications qu'on faisait lors courir de tous côtés à l'avantage de l'empereur Charles V, et à notre désavantage, même en Italie, où ces folles prophéties avaient trouvé tant de place, car Rome fut baillé grande somme d'argent au change pour cette opinion de notre ruine. Qu'après s'être souvent condolu à ses privés, des maux qu'il voyait inévitablement préparés à la couronne de France et aux amis qu'il avait, se révolta et changea de parti. À son grand dommage pourtant, quelque constellation qu'il eût. Mais il s'y conduisait en homme combattu de diverses passions, car ayant et ville et force en sa main, l'armée ennemie sous Antoine de Lève, à trois pas de lui, et nous sans soupçon de son fait, il était en lui de faire pis qu'il ne fit, car pour sa trahison nous ne perdîmes ni homme, ni ville que faussant, encore après l'avoir longtemps contesté. Prudens futuri temporis exitum, caliginosa nocte premit Deus, ridetque si mortalis ultra, fast repidat. Ille potens sui, letusque deget, uit licet in diem, dixisse, vixit, cras vel atra, nube polum pater occupato, vel sole puro. Letus in presens animus, quod ultra est, oderit curare. Et ceux qui croient ce mot au contraire, le croient à tort. Ista sit reciprocantur, ut et si divinato sit, dil sint, et si di sint, sit divinatio. Beaucoup plus sagement, Pacuvius. Namistis quid liguam a vivum intelligunt, plus quid ex alieno iecore sapiunt, quam ex suo, magis audiendum quam auscultandum senseo. Cette tant célébrée art de deviner des Toscans naquit ainsi. Un laboureur perçant de son coultre profondément la terre, en vit sourdre tâche demi-dieu, d'un visage enfantin, mais de sénile prudence. Chacun y accourut, et furent ses paroles et sciences recueillies et conservées à plusieurs siècles, contenant les principes et moyens de cet art, naissance conforme à son progrès. J'aimerais bien mieux régler mes affaires par le sort des dés que par ses songes. Et de vrai, en toute république, on a toujours laissé bonne part d'autorité au sort. Platon, en la police qu'il forge à discrétion, lui attribue la décision de plusieurs effets d'importance, et veut, entre autres choses, que les mariages se fassent par sort entre les bons, et donne si grand poids à cette élection fortuite que les enfants qui en naissent, il leur donne qu'ils soient nourris au pays, ceux qui naissent des mauvais en soient mis hors. Toutefois, si quelqu'un de ces bannis venait par cas d'aventure à montrer en croissant quelque bonne espérance de soi, qu'on le puisse rappeler et exiler aussi celui d'entre les retenus qui montrera peu d'espérance de son adolescence. J'en vois qui étudient et glosent leurs almanachs, et nous en allèguent l'autorité aux choses qui se passent. À-t-on dire, il faut qu'il dit, et la vérité est le mensonge. Quis et enim, qui totum diem jaculans, non aliquando con linet. Je ne les estime de rien mieux, pour les voir tomber en quelque rencontre. Ce serait plus de certitude s'il y avait règle et vérité à mentir toujours. Joint que personne ne tient registre de leurs mécomptes, d'autant qu'ils sont ordinaires et infinis. Et fait-on valoir leur divination de ce qu'elles sont rares, incroyables et prodigieuses? Ainsi, répondit Diagoras, qui fut surnommé l'athée, étant en la Samothrace à celui qui, en lui montrant au temple force vœux et tableaux de ceux qui avaient échappé le naufrage, lui dit « Eh bien vous, qui pensez-vous que les dieux mettent à nonchaloir les choses humaines? Que dites-vous de tant d'hommes sauvés par leur grâce? » Il se fait ainsi, répondit-il. Ceux-là ne sont pas peints, qui sont demeurés noyés, en bien plus grand nombre. Cicéron dit que le seul Xénophane colophonien, entre tous les philosophes, qui ont avoué les dieux, a essayé de déraciner toutes sortes de divinations. D'autant est-il moins de merveille, si nous avons vu parfois, à leur dommage, aucune de nos âmes principesques s'arrêter à ces vanités. Je voudrais bien avoir reconnu de mes yeux ces deux merveilles. Du livre de Joachim, abbé Calabrois, qui prédisait tous les papes futurs, leurs noms et formes, et celui de Léon l'Empereur, qui prédisait les empereurs et patriarches de Grèce. Ceci ai-je reconnu de mes yeux. Quelle confusion politique! Les hommes étonnés de leur fortune se vont rejetant, comme à toute superstition, à rechercher au ciel les causes et menaces anciennes de leur malheur, et ils sont si étrangement heureux de mon temps qu'ils m'ont persuadé qu'ainsi que c'est un amusement d'esprit aigu et oisif, ceux qui sont dus à cette subtilité de les replier et dénouer seraient en tout écrit capables de trouver tout ce qu'ils y demandent. Mais surtout leur prête beau jeu, le parler obscur, ambigu et fantastique du jargon prophétique, auquel leurs auteurs ne donnent aucun sens clair, afin que la prospérité y en puisse appliquer de telle qu'il lui plaira. Le démon de Socrate était à l'aventure certaine impulsion de volonté, qui se présentait, à lui, sans le conseil de son discours. En une âme bien épurée, comme la sienne, et préparée par continu exercice de sagesse et de vertu, il est vraisemblable que ses inclinations, quoique téméraires et indigestes, étaient toujours importantes et dignes d'être suivies. Chacun sent en soi quelque image de telles agitations d'une opinion prompte, véhémente et fortuite. C'est à moi de leur donner quelque autorité, qui en donne si peu à notre prudence, et en est eu de pareillement faible en raison, et violente en persuasion ou en dissuasion, qui était plus ordinaire à Socrate, auquel je me laissais emporter si utilement et heureusement, qu'elle pourrait être jugée tenir quelque chose d'inspiration divine. Fin du chapitre 11.